3 filles de Paris viennent. Le Paul Billot. Par mademoiselle Maria Legault. Cette terre, ce délicieux, tous ces engrais de la nature. Les cheveux fous mangent les yeux mangent la figure. Le nez, avec ses airs rosés, toujours frisson, bien, sureste. La lèvre, ton odieux baiser. À la riposte, est bientôt prête. La main est blanche, le pied vif, le bras rond tient bien à l'épaule. La taille est droite comme un lit, avec cette souplesse de tôle. Ce grand titre cocher, faire l'esprit, le charme, la grâce. Où ça va-t-il? Où ça vient-il? Son esprit, sa main, son faveur. C'est un fruit que nous tenons si bien. C'est de la faveur et de s'habille avec presque rien, et fait comme une narcisse. Ça remet à chaque printemps plus frais que la fleur d'orange, et quand ça possède 5 ans, ça les conserve jusqu'à 30. Ça vivait au-delà des moulins plus de bonnets, quand ça même l'on pourrait bénir des mains. Et ça vivait d'une humaine. C'est encore trop modeste, car quand on lève, ça vous adore. Ça, la chanceuse, le hasard, et ça se touche avec l'aurore. Ça, vous avez chagrin d'amour à fondre l'âme dans la pauvre. Ça, ceci, une fois par jour, et ça meurt dans les bras de nous. Tantôt loué, tantôt maudit. Quand ça résonne, ça dit bon, ça fait moi la fin du monde.